j'suis dans le tux. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ouais. La meuf t'a trompé, j'ai des preuves. Elle veut se faire niquer pour le buzz. Mon pote est nude car sa chaîne de rue devine tant de sperme qu'il en peuvent. Crevette passée par alléluia. J'ai pris un Glock pour faire la moule. Ça crée des polémiques à tout va. Comme après les putes, on est où là? Ça gère des schnecks de grande taille. Je parle d'amour, elle parle de maille. Je t'aime pas comme le mec qui dit ça fait avant de commencer un freestyle. Trop défoncé dans le bendo. Des moches, des bonnes, des Christy Gwendo. On t'a vu si c'est à l'auteur après je caisse. Maintenant ce que genre c'est amical. T'es venu en boîte avec des meufs, on t'a recalé. Oh là là. Ni en tactile, ni en T9, zéro smiley. Non, non, non. J'suis pas des leurs, j'suis pas des leurs. Robert Marley, Bobby, Bobby. Comme un ever, comme un ever. Comme jamais, j'suis dans le tux. J'suis dans le tux. J'suis dans le tux. J'suis dans le tux. La puissance respecte la puissance. Coup de balai, crâne ouvert. J'dépouille ta bague, j't'arrache auriculaire. J'vais niquer des mères sans trop de résistance. Gros poignard dans la gorge, je ressors jugulaire en sanglant. Et après ta mort, j'vais baiser ta femme pour être sûr que tu reposeras jamais en paix. No, j'l'ai niqué comme si j'étais Actarus. Son mec a truc, elle venait d'accoucher par l'anus. Ta pisse est froide, ta petite phallus est frangée comme Albert Camus. Ouais. J'la baise, elle crie comme dit on se lit la balle avant que le monstre perpérine. Oui, j'l'ai tout mis dans la bouche pour pas déranger la voisine. T'es venu en boîte avec des meufs, on t'a recalé. Oh là là. Ni en tactile, ni en T9, zéro smiley. Non, non, non. J'suis pas des leurs, j'suis pas des leurs. Robert Marley, Bobby, Bobby. Comme un ever, comme un ever. Comme jamais, j'suis dans le tux. J'suis dans le tux. J'suis dans le tux. J'suis dans le tux. Comme un ever, comme jamais, j'suis dans le tux. J'suis dans le tux. J'suis dans le tux. J'suis dans le tux. J'suis dans le tux.